histoires qui te font mal au cœur, à la souffrance de nos âmes qui nous feront couler ses larmes, à l'obéissance de jour qui nous prennent nos amours, au ciel assombri par les guerres, à tous nos frères qui crèvent. Non, je n'ai rien demandé à personne pour ces histoires. Non, je n'ai rien demandé à personne pour mes déboires. Dans l'équilibre du cosmos, on se fait du mal, on se fait du bien, et on se déchire la vie, on s'oublie dans la nuit qui porte tous nos rêves, tous nos angoisses au lendemain. Et me réveille à quel endroit que je me dis. Je me lèverai plus, la tête basse, je prendrai une plume pour écrire nos histoires. Pour écrire nos histoires.